بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours 16 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Sharh Usul al-Iman, avec les commentaires de Cheikh Al-Fawzan. Et on est arrivé dans Kitab al-Iman billah, dans la section de la foi en Allah, au hadith numéro 25. Et le titre c'est Intisarullah li awliyaihi wa intiqamuhu li min a'da'ihi. C'est-à-dire le secours d'Allah pour ses serviteurs rapprochés, ses alliés, et sa vengeance de ses ennemis. Donc le hadith, c'est un hadith qui est célèbre et il est rapporté selon Abi Huraira, et c'est un hadith qudsi. Un hadith qudsi, c'est-à-dire c'est la parole d'Allah qui est transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pas le Coran. Hein? Donc il dit, le cheikh il dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري. Donc ça c'est un hadith très important, et dans ce hadith le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah tabaraka wa ta'ala a dit, quiconque s'oppose à un de mes serviteurs rapprochés, à mon wali, eh bien, je lui déclare la guerre. Donc, si tu fais du tort à un des serviteurs rapprochés d'Allah, parmi les croyants qui sont pieux, eh bien, Allah, il te déclare la guerre. Il dit, mon serviteur ne se rapproche jamais plus de moi mon Seigneur ne se rapproche jamais plus de moi que, ou ne se rapproche pas de moi par une chose qui est plus aimée de moi que lorsqu'il fait ce que je lui ai ordonné de faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas te rapprocher d'Allah par quelque chose que Allah aime plus que ce qu'il t'a ordonné, ce qui est obligatoire dans la religion. Et il dit, et mon serviteur va continuer à se rapprocher de moi en faisant des actes supplémentaires, des actes volontaires, des actes surérogatoires, des nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Et il dit, une fois que je l'aurai aimé, eh bien je serai son ouïe par lequel il entend, sa vue par lequel il voit, sa main par laquelle il frappe et sa jambe par laquelle il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai. Et s'il cherche refuge en moi, je lui donnerai refuge. Et il dit, je n'hésite pas à faire une chose plus que d'enlever l'âme de mon serviteur croyant, car il déteste la mort et je déteste lui déplaire ou lui faire du tort. Mais il n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix de le faire. Hein, il faut le faire. La Buddha Minhu. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Hein. Donc c'est un grand hadith. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith, il dit: وهذا الحديث عظيم فيه أن الله جل وعلا يقول في هذا الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته وهو المحبوب وولي الله عبده الذي يحبه الله يحبه سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا أن الله يوصف بأنه يحب أهل الإيمان، فمن أحبه الله فهو ولي الله، والولاية بالفتح بفتح الواو الحب وأما بالكسر الولاية بكسر الواو فهي الوظيفة والإمارة وأما الولاية بالفتح فهي المحبة. Donc ici le cheikh il explique que c'est un grand hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui a de l'animosité envers mon serviteur rapproché, je lui déclare la guerre. Celui qui prend un ennemi, mon serviteur rapproché, je lui déclare la guerre. Le wali, en arabe, c'est celui qui, celui qui connaît Allah, qui a la connaissance d'Allah, et qui reste fidèle sur son obéissance, et qui purifie son adoration pour lui. Et c'est celui qui est aimé d'Allah. Et donc, le wali d'Allah, celui qui est un wali d'Allah, un serviteur rapproché d'Allah, c'est son serviteur que Allah a aimé. Et on a déjà expliqué que dans le cours précédent, que Allah est décrit comme étant celui qui aime les gens de la foi. Et qu'il aime, il a l'attribut de l'amour. Et qu'il aime, Allah, et celui que Allah aime, eh bien c'est un wali d'Allah. C'est un serviteur rapproché d'Allah. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il l'a mentionné dans ce hadith, donc il déclare la guerre à celui qui yani, oppose ou prend pour ennemi son serviteur rapproché. Et en arabe, al-wilaya et al-walaya, ça a deux sens chaque. Si tu le mets avec une fatha, c'est al-hub, l'amour, al-walaya. Et si tu le dis avec la kasra, ça a le sens de la gouvernance, al-wilaya. C'est pour ça qu'on dit, en arabe, on dit wali ul-amr, al-wulat, c'est-à-dire les dirigeants, les gouverneurs. Donc al-wilaya, c'est la gouvernance, al-walaya, c'est al-mahabba, l'amour. Mais on va l'expliquer, on est en train de l'expliquer. Naam. Le cheikh il dit وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ هُوَ وَلِيُّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ هَؤُلَاءِ هُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فَمَنْ اتَّصَفَ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى فَهُوَ وَلِيُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ومن ترك الإيمان والتقوى فهو عدو الله فإذا أردت أن تكون وليا لله فكن من المؤمنين المتقين فليست الولاية مجرد دعوة باللسان كقول اليهود والنصارى كما أخبر سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم فلو كنتم أولياء الله لما عذبكم فالله رد عليهم بأنهم ليسوا بمؤمنين ولا متقين ثم قال بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فدعوى الولاية لا يثبت إلا بدليل وبرهان فمن كان تقيا ومؤمنا بالله سبحانه وتعالى فهو ولي الله فهو ولي لله وأما من كان بخلاف ذلك فإنه عدو لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que on peut comprendre donc que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit qui sont les awliya d'Allah dans le Coran. Et justement on est en train de faire le livre en même temps Al-Furqan بين awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan, c'est-à-dire le discernement entre les serviteurs rapprochés d'Allah et les alliés du diable. Et donc ce livre-là, il clarifie bien. Et dedans, il y a l'explication justement de ces deux versets, le verset 62 et 63 dans Sourate Yunus, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a défini qui sont les awliya. Et il dit dedans, certes, les awliya, c'est-à-dire les serviteurs rapprochés d'Allah, que Allah aime, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont préservé, ils se sont préservés d'Allah et de son châtiment. Et ils se sont préservés d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. Parfois, Allah et par crainte de son châtiment, et par espoir en sa récompense du paradis. Donc ceux-là sont les awliya d'Allah, ce sont ceux qui ont cru et qui ont at-taqwa, qui se préservent d'Allah. Donc quiconque parmi les musulmans a ces deux caractéristiques, al-iman, la foi, et at-taqwa, le fait de se préserver d'Allah, alors c'est un wali. Et c'est pas nécessaire qu'il soit nécessairement, c'est pas nécessaire qu'il soit au plus haut degré hein, de la foi et de taqwa pour qu'il soit considéré comme un wali. Parce que les awliya d'Allah sont des différences, sont de différents degrés, sont de différents degrés. Donc ça veut dire que c'est pas tous les awliya qui sont pareils. Les meilleurs parmi les awliya d'Allah, ce sont les prophètes, puis ensuite les sahaba. Hein, les sahaba, et parmi eux Abu Bakr, Omar, Othman, Ali radiallahu anhu, ceux-là sont les quatre parmi les plus grands awliya de cette umma. Il n'y a pas d'awliya plus grand que eux. Et ensuite tous les autres croyants qui suivent par la suite après les sahaba, les muhajirin, les ansar, al-ashra al-mubashirina bil-jannah, et ainsi de suite. Tous les musulmans de cette umma sont des awliya d'Allah. Sauf qu'il y en a qui sont parmi eux des awliya qui sont très forts dans leur foi et d'autres awliya qui sont des awliya qui sont plus faibles dans la foi. Et ce n'est pas une condition non plus pour que quelqu'un soit un wali d'Allah qu'il soit parfait ou qu'il soit infaillible ou qu'il fasse des karamates, hein, des prodiges miraculeux ou des choses de ce genre. Non. Tous les awliya d'Allah hein, sont des ce sont ceux qui sont croyants et qui ont la piété selon le degré de piété qu'ils ont. Et si quelqu'un commet des péchés, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas non plus un wali d'Allah. Il peut commettre des péchés depuis qu'il se repent à Allah, il reste un wali d'Allah, même s'il a commis des péchés. Donc tout ça, ça détruit la notion de wali chez les soufis, hein. Parce que les soufis, ils ont emprunté cette notion de wali qu'ils ont chez les chrétiens. Ils l'ont emprunté des chrétiens, ils l'ont emprunté des hindous, des bouddhistes, et c'est pour ça qu'ils ont attribué au wali toutes sortes de caractéristiques surnaturelles, et même qu'ils en ont fait parfois même des êtres divins. Et ils les prennent comme des intermédiaires ou des intercesseurs avec Allah, et ils font du shirk avec eux pendant leur vie et même après leur mort. À leur tombe. Donc tout ça c'est très dangereux et donc c'est pour ça qu'il est important de nettoyer et de clarifier la réelle signification d'un wali, qu'est-ce que c'est en islam et que c'est pas justement chez les... qu'est-ce qu'on retrouve chez les chrétiens. Tu vois par exemple en Occident, comme ici par exemple au Québec, ou bien tu vas aller en France, ou bien tu vas aller n'importe où, il y a toujours une rue qui a le nom d'un saint. Une montagne, une région, une ville, un village qui a le nom d'un saint. Hein? Saint-Hubert, Sainte-Bernadette, Sainte-Catherine, Saint-Pierre, Saint-Michel. Tous ces noms-là, c'est des noms des saints chez les chrétiens. Pourquoi ils donnaient au nom de ville, au nom de rue, au nom de région ces noms-là? C'est parce que eux, pour eux, le plus important, les plus grands hommes, c'était les awliya, c'était les saints. Ce qu'ils appellent des saints. Dans certains pays musulmans, tu vas trouver, par exemple, ils appellent les rues Sidi Foulan. Sidi, c'est comme si c'est l'équivalent du terme saint. Hein? Dans le langage, ça vient du mot Sayyid. Sidi, ça vient du mot Sayyid. Et c'est comme parfois les soufis, quand ils font les doigts, ils parlent du prophète, ils disent Sayyiduna Muhammad. Hein, Sayyiduna Muhammad. Et des choses comme ça. Donc, alors que dans le doigt qui a été rapporté par le prophète, il n'y a aucune version qui dit Sayyid. Sayyiduna. Aucune version authentique qui dit Sayyiduna. Le prophète, il dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eux, ils rajoutent Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala, hein, et ainsi de suite. Alors que les Sahaba, ils ne disaient pas Sayyiduna, hein, et ils sont meilleurs que nous. Non, c'est pas la même chose. Au contraire, dans les pays musulmans, ils donnent aux noms de rues, des noms de ulama, des noms des sahaba. Je me rappelle en Arabie Saoudite, il y avait la rue Abu Bakr Siddiq, la rue Ali ibn Abi Talib, la rue Omar ibn al-Khattab, la rue Al-Imam Malik ibn Anas. Oui, ça c'est bien parce que c'est pour montrer le rappel des gens importants, des gens pieux, des gens de bien et les dirigeants. Mais c'est pas pareil parce que, en fait, tout revient à la croyance que les gens ont, hein, par rapport à ces personnes, par rapport à ces êtres. Tu comprends? Donc, c'est la aqida des soufis, c'est pas la même chose que la aqida des musulmans, de Ahl-Sunnah. D'accord? Ça dépend de l'intention. Ça dépend de l'intention, puis ça dépend de la croyance aussi. Donc, le cheikh, il dit ensuite que si tu veux être un wali d'Allah, alors sois un croyant pieux et tu seras un wali. Et donc, al-walaya, une autre chose aussi, le cheikh, il dit, l'importance avec al-walaya, pour être un wali, c'est pas juste quelque chose que tu dis avec la langue. Comme quelqu'un, par exemple, qui vient puis qui dit, moi, je suis un wali. A'udhu billah. Hein? Comment tu peux prétendre que tu es un wali? Hein? Comment tu peux prétendre que Allah t'aime? Yani, tu devrais avoir peur de dire une chose pareille. Mais il y en a qui n'ont pas honte de le dire, parmi les soufis, hein, qui prétendent qu'ils sont des awliya d'Allah. Et Allah al-Musta'an. C'est ça. Même les, comme le frère il dit, les sahaba, eux, ils avaient peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes. Hein? C'est ça, ils avaient peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes. Tandis que eux, ils se purifient eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Wala tuzakku anfusakum, ne vous purifiez pas vous-mêmes. » Donc, c'est Allah qui sait mieux qui est pieux. Non, c'est pas ça. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ أي نعم إِنَّ رَبَّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُتَّقِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ يعني المداهنة ils veulent que tu transiges avec eux pour que eux transigent avec toi. C'est ça. C'est-à-dire, fais un compromis avec nous, accepte notre shirk, et nous, on va t'accepter. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. C'est comme les mushrikines, quand ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une année, on va adorer Allah, seul, avec toi, et l'année suivante, toi, tu vas adorer les idoles avec nous. Ouais, c'est ça. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. J'ai dit بالمتقين, c'est pas المتقين, c'est المهتدين. إن الله أعلم بمن إن ربك أعلم بمن ضل عن إيه نعم. Oui c'est ça. Oui c'est vrai. وهو أعلم بمن اهتدى. Ça c'est dans سورة النجم, non? Oui, inna Allah a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Oui, mais moi je voulais celui dans sourate Al-Qalam. Inna Allah huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Donc comme tu dis, il y en a beaucoup de versets dans ce sens-là dans le Coran. Donc tu peux pas prétendre ou dire que tu es un wali d'Allah. Les chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait, les juifs aussi. Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans le verset 18 dans surat Al-Ma'ida, lorsqu'il dit dans ce verset ce qui signifie, et les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Hein? Nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant, dis, alors pourquoi est-ce qu'il vous châtie pour vos péchés? Le cheikh il dit, si vous étiez vraiment des Awliya d'Allah, des bien-aimés d'Allah et des serviteurs d'Allah, rapprochés de lui. Pourquoi dans ce cas-là il vous châtie? Allah les a réfutés donc et à clarifier qu'ils ne sont ni des croyants, ni des pieux, ni des muttaqin. Et il dit dans le verset 18 dans Surat Al-Ma'ida, « Bal antum basharun mimman khalaq, yaghfiru liman yasha, wa yu'adhibu man yasha. » Vous n'êtes que des êtres humains parmi ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et donc la prétention d'être un wali, elle ne peut être établie que par une preuve et par une évidence qui vient de la révélation. Donc, celui qui est pieux et qui est croyant en Allah, alors lui, oui, c'est un serviteur rapproché d'Allah, aimé d'Allah. Tandis que celui qui est contraire à ça, eh bien, il est un ennemi d'Allah. Hein? Donc ça, c'est très important de le faire, parce que de le comprendre, parce que les soufis, ils ont l'idée que si quelqu'un est considéré comme étant un wali parmi eux, il a le pouvoir de donner sa wilaya à qui il veut, c'est-à-dire à volonté, d'accord? C'est-à-dire qu'il peut décider aujourd'hui que telle personne ou telle personne c'est un wali, lui c'est un wali maintenant. Alors les gens ces soufis-là vont considérer que c'est un wali vraiment. Hein? Et il croit également que al-wilaya c'est quelque chose qui est hérité, c'est-à-dire que si toi t'es un wali, tes enfants vont être des awliya aussi. D'accord? Et donc, ils vont vénérer les descendants et les enfants du cheikh à cause de ça. Donc, tout ça, c'est des exemples d'égarement, puisque al-wilaya, ça ne se transmet pas par les gènes. C'est pas quelque chose de biologique ou de génétique. C'est quelque chose qui est relié à la foi et aux actions et à la piété de la personne. Quelqu'un peut être un wali et ne plus l'être par la suite, ou ne pas l'être au début et le devenir. Et quelqu'un, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, d'accord? Non, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à sa propre fille, « Oh Fatima, sauve-toi du châtiment d'Allah, parce que je ne peux rien faire pour toi auprès d'Allah. » Donc, ça veut dire que même sa propre fille, c'est ça, al-aqrabin. Donc, c'est pour dire qu'il faut que chacun fasse les efforts pour se sauver lui-même. Le péché de quelqu'un ne va pas être pris par quelqu'un d'autre. Hein? فقوله من دعا من عدا لي وليا أي عبدا محبوبا لي من المؤمنين المتقين فقد أذنته بالحرب أي أعلمته بأني أحاربه على عداوته لولي وإعلان الحرب من الله سبحانه وتعالى بما يشاء من جنوده فقد يحاربه بالأمراض وبالفقر أو بموت الأحباب والأقارب ويحاربه بكل المصائب أو بتسليط الظلمة عليه فله سبحانه جنود السماوات والأرض فهو سبحانه يحارب أعداءه بجنوده التي هي جنود السماوات والأرض فقد نراهم وقد لا نراهم فالذي يعادي أولياء الله فإنه سبحانه يحاربه فهذا الحديث فيه أنه لا يجوز محاربة أولياء الله ومعاداتهم وأن من عاداهم وآذاهم فإن الله ينتقم منه فهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بالاستهزاء والسخرية والتنقص منهم من خلال كتاباتهم في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام فيسخرون من أهل الدين والإيمان وأهل الحزبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هؤلاء يتناولهم هذا الحديث والله ينتصر لأوليائه فينبغي عدم إيذاء أولياء الله وعدم التنقص لهم أو التعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى. Donc le cheikh il explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque s'oppose à un de mes awliyas, prend pour ennemi un de mes awliyas, je lui déclarerai la guerre. Hein? Parmi mes serviteurs pieux, croyants que j'aime, il lui fait du tort, il le prend pour ennemi, je vais lui déclarer la guerre. C'est-à-dire, je vais lui faire la guerre parce qu'il a de l'animosité envers mon serviteur pieux. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre, yani, et il va faire la guerre à ces gens-là par ceux qu'il a voulu de ses armées, ou par celles qu'il a voulu de ses armées. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup d'armées. Et ce n'est pas seulement des armées parmi les êtres humains. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. C'est-à-dire, il n'y a personne qui connaît les armées de ton Seigneur excepté lui. Et donc le cheikh, il dit, parmi ces armées, il se peut que Allah lui fasse la guerre par les maladies, comme le corona, le virus, hein, les virus qu'il envoie contre les hommes. Il peut leur faire la guerre par la pauvreté qui les affecte, par la mort des gens proches et des bien-aimés, par les malheurs qui les affectent, par le fait qu'ils sont frappés par des injustes qui leur font des difficultés et du tort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient les armées des cieux et de la terre. Et donc, il fait la guerre à ses ennemis par ses armées, qui sont les armées des cieux et de la terre. Et c'est possible qu'elles soient visibles, ces armées-là, et c'est possible aussi qu'elles soient invisibles. Comme par exemple les virus et les bactéries et ces choses-là. On ne les voit pas avec les yeux, hein, mais ils frappent ce que Allah a voulu parmi ses créatures. Et également d'autres, les anges et autres créatures qu'on ne voit pas. Donc celui qui oppose un allié et un serviteur bien-aimé d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait la guerre. Et dans ce hadith, on voit qu'il n'est pas permis à quelqu'un de faire la guerre aux serviteurs rapprochés d'Allah et de les détester. Et quiconque oppose et fait du tort et persécute les serviteurs d'Allah rapprochés de lui, Allah subhanahu wa ta'ala va se venger de lui. Et donc ceux qui font du tort et qui persécutent les croyants et qui se moquent d'eux, qui se raillent d'eux, qui les dénigrent, qui les rabaissent à travers les textes qu'ils écrivent dans les journaux, dans les magazines ou dans les médias, hein? Ou bien les caricatures que certains peuvent faire parfois des musulmans croyants qui pratiquent l'islam, ils leur font des caricatures. Le cheikh, il dit, il se moque des gens qui pratiquent la religion, des gens de la foi, des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Hein? Alors ces gens-là sont concernés par ce hadith. Ces gens-là sont concernés par le hadith et il faut savoir une chose aussi, parce qu'il y en a beaucoup de musulmans qui sont justement très fâchés, très concernés par les comportements de ces kuffars quand ils veulent se moquer des prophètes d'Allah ou quand ils veulent se moquer des croyants, des gens qui s'accrochent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dites-vous une chose importante, ça, c'est que les caricatures et les railleries et les moqueries, ça, c'est les arguments de ceux qui n'ont pas d'arguments. Dites-vous ça, parce que ces gens-là, s'ils avaient des arguments, ils n'auraient pas besoin de faire des caricatures. Donc, le fait qu'ils fassent des caricatures, c'est la preuve qu'ils n'ont rien à dire. Et donc, ils sont tombés dans des moyens enfantins pour essayer de rabaisser la vérité. Mais ils ne peuvent pas, même s'ils font ça, ça se retourne contre eux. Parce que, premièrement, ils ne peuvent pas dessiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont jamais vu. Et ils ne savent pas de quoi il a l'air. Donc, ils ne peuvent pas le dessiner. Et nous, les musulmans, on ne fait pas d'image, on ne fait pas de représentation, on ne fait pas de photos. Hein? Malheureusement, certains parmi les gens de l'égarement, parmi les musulmans, eux, ils font des images de leur cheikh. Hein, j'ai vu même chez les soufis, hein, ils mettent la photo de leur cheikh sur le mur dans la mosquée, dans leur mosquée. Ils mettent la photo de leur cheikh dans la mosquée, sur le mur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les anges n'entrent pas dans un endroit où on met des photos, où on accroche des photos. Eux, ils accrochent la photo de leur cheikh dans leur mosquée. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que les anges rentrent. Nasallallahu al-afiyah. Et en plus, yani, les chiites, Rafida, la même chose. Ils vendent les images, des photos, des représentations de Ali, Ibn Abi Talib, de Al-Hassan ou Al-Hussein. Et ils vendent ça, ils mettent ça dans leur maison comme baraka. Hein, pour dire, regardez la photo. Alors qu'ils n'ont jamais vu. Hein? Mais ils imaginent, tu vois que leurs images là, ça ressemble aux images des chrétiens qui font les images de Jésus. Et vous voyez comment ils dessinent Jésus avec des yeux bleus, hein, des cheveux lisses. Oui, alors que Jésus n'a rien à voir avec ces images-là. Les chrétiens, c'est la même chose. Ils dessinent Jésus d'une façon dans leur imaginaire, alors qu'en réalité, Jésus n'a rien à voir avec cette image-là. En tout cas, ça c'est juste pour dire, il y en a le détail de ça, c'est pas ça le plus important. Parce que l'important à comprendre, c'est qu'on n'a pas à représenter les messagers et les prophètes d'Allah. Et ceux qui essaient de justement faire des représentations, eh bien, c'est eux justement qui ouvrent la porte à ces gens-là d'essayer de faire des images et des dessins des prophètes et des hommes pieux pour se moquer d'eux. Nasallallahu al-afiyah. À la kullihal, le cheikh, il dit donc ces gens-là qui font ça dans les médias, qui se moquent des musulmans ou des croyants, des gens qui pratiquent la religion, eh bien, ils sont touchés par ce hadith. Allah leur déclare la guerre. Et Allah subhanahu wa ta'ala viendra donc au secours de ses alliés, de ses serviteurs rapprochés. Et donc, il ne faut pas faire de tort aux serviteurs bien-aimés et rapprochés d'Allah, ni de les rabaisser et ni de leur faire des persécutions ou de leur faire un tort quelconque, peu importe la catégorie de mal qu'on peut leur faire. Et je pense que yani pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, inshallah. On continuera la suite de l'explication de ce hadith-là au prochain cours, bi-idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.